Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Un quiz de chansons de Noël que vous pouvez rater sous aucun prétexte avec Myriam Fugère. Et la chronique linguistique avec Jasmine Raymond-Drainville. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage Rocky, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO 3 ce mercredi 14 décembre 2011. Et moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François Olivier. Oui, émission qui vient de perdre un morceau pour aujourd'hui, donc un petit peu plus léger que supposé. On n'aura pas de Yann Martel à la fin de l'émission. Non, chronique financière, pas aujourd'hui. Malheureusement, mais on a remercié le service aux étudiants quand même. Hein, tout à fait. Énormément. On leur remercie tout le temps. Tout le temps, tout le temps. À chaque début de demi-heure, c'est vrai. Aussi dans l'émission aujourd'hui, en fait pas aussi, mais dans l'émission d'aujourd'hui. Donc, on va avoir à 7h30 Jasmine Raymond-Drainville et sa chronique linguistique. Elle continue son survol de la nouvelle orthographe. Hein. On a exploré plein de trucs sur les soudures et les traits d'union et les pluriels. Les maudites soudures, hein? Hey, les soudures, c'est pas facile, faut mettre un masque pour comprendre ça. C'était quand même mêlant la semaine dernière. Ouais, c'était pas évident. Pas évident. Mais cette semaine, on va voir. Ouais. Puis je pense que je vais arrêter de poser des questions. Je me suis fait dire. Non. Tes questions étaient bonnes. Faut juste que tu la poses une fois par question. Ensuite, à 8h, on aura Myriam Fugère. C'est sur le principe d'un quiz, encore une fois. Donc, on va chacun avoir nos buzzers et ça va virer en catastrophe naturelle totale, cette affaire-là. Hein, François? Espérons-le. Comme si c'était. On dirait que je pointe François de mes doigts. C'est pas très poli. Mais ça va dérailler, cette affaire-là. Ben, non, en fait, je pense pas. Ben, on verra. Ouais? Tu non, peux mais, te retenir parce mais, que tu veux pas qu'on mais, parle de toi-même. Non, mais avec Myriam, c'est quand même facile. Mais Jasmine va être là. Oh, ouais, ça va essayer de nous ramener à l'ordre avec sa chronique linguistique. Ouais. Hein? Et ça va nous reprendre. C'est ça. Ouais, donc Myriam Fugère à 8h avec sa chronique aléatoire. Sinon, ben, on a la chronique C'est un fait avec un paquet de choses à s'apprendre, à se mettre entre les deux oreilles, entre autres. Parlant de entre les deux oreilles, la grosseur d'un cerveau humain en moyenne. Oh, pense-y quelle grandeur ça a, mets ça en chiffres puis on s'en reparle, OK? On en reparle tantôt. Voilà pour le plan de l'émission d'aujourd'hui. On va débuter avec deux nouvelles entrées du palmarès francophone avant tout le monde. Hein, les palmarès qui, évidemment, sont diffusés les jeudis après-midi à 14h. C'est là que les nouvelles entrées sont jouées d'habitude pour la première fois. Mais aujourd'hui, en primeur, pour vous, on va voir Le Grand Nord avec Fille de Feu, mais on débute avec Das. Voici Armée sur la pièce, sur l'album Armée d'un rêve. Sur C'est fou, 89.5. De croire que tu tiens encore debout à part la peur de sortir à part les nuits s'endormir la fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en veux, mais tu t'en remets pas la peine. tomber de haut, te prends encore. Et si l'envie d'avoir mal te monte à la tête, pas la peine de compter les heures. La fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en veux même, tu t'en veux même. Vraiment pas de quoi être méfiant. mais ils étaient bien trop nombreux à vouloir le secret du vieux. Personne n'a simplement pensé à tout se partager. Personne n'a découvert qu'en vrai, c'était son seul secret. Le Grand Nord avec une nouvelle entrée du palmarès francophone, c'est Filles de Feu. Avant d'avoir entendu une autre de ses nouvelles entrées, Das, avec Armée sur l'album Armée d'un rêve. Et je crois que Das, c'est en allemand, oui. D-A-S, ça veut dire de ou le ou la. Ouais, ou L apostrophe. Ah, peut-être. Das Auto. Oui, Das Auto, ça c'est Volkswagen. Une chance qu'on n'a pas une machine qui, à chaque fois qu'on dit Volkswagen, c'est du Das Auto. Das Auto. Comme on a une machine qui, à chaque fois qu'on dit Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Oui, en effet, ça vous concerne et on l'a pas fait ni hier ni avant-hier, donc on reprend ça là, de plus belle avec le plus récent numéro du journal Zone Campus, François. Et le dernier de l'année 2011. Oh oui, avec le mouvement et la tape sur la table. Clauc, va-t'en, Zone Fini Campus. Fini pour 2011. Ouais, non, il va y en avoir d'autres en 2012, évidemment. Là. Ça revient en janvier. Ben oui, ça. Ben oui. Ça vient en fait le 9 janvier. Pour l'instant, on a l'édition donc du 12 décembre au 8 janvier. Oui. C'est volume 7, numéro 8. Et en couverture, on retrouve des cadeaux enveloppés à partir de vieilles affiches. C'est fou, Zone Campus. Et de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes! Avec des petites guirlandes, un petit chapeau de Noël. C'était mon costume d'Halloween en passant, un chapeau de Noël. Je sais pas si tu te rappelles, c'est le de la voix sur ma tête. Je peux quand même pas l'oublier. Là. Ceux qui voulaient s'imaginer, c'était quoi mon chapeau là, d'Halloween. Il ouais. Y a des petites lumières qui flashent, c'est super cute. Donc, on va y aller par actualité. Je fais actualité. Vas-y. Non, je fais société. Société. Ah, spectacle, sport. C'est ça, parfait. Donc, actualité, on commence par, évidemment, la grosse nouvelle. Si vous n'avez pas encore entendu, on vous l'apprend. C'est Stéphane de la Chasse-Galerie. Stéphane Morassi, qui est bien connu ici à l'université. Là. Le gérant de la chasse, il faut dire. Donc, qui quitte pour aller faire du travail dans son domaine. Donc, il a étudié en psycho-éducation, c'est ça? Psycho-aide, c'est ça? Oui, me semble. Je ne suis plus sûr. Et puis son collègue aussi, Bagassim Dram. Mais c'est ça, lui, il quitte, je pense, en mars-avril, là, vers la fin de la session d'hiver. Écoute, on va essayer de le recevoir ici en entrevue, c'est le fun, hein? Oui. Juste pour, en fait, là, faire un petit récapitulatif de sa carrière ici. Tout à fait. On va parler aussi dans la section actualité de l'expérience arborescence qui avait lieu le 29 novembre dernier ici sur le campus de l'UQTR. On revient sur la situation du stationnement quand le hasard détermine tout. Hein, depuis plusieurs semaines, l'attribution des permis de stationnement sur le campus fait jaser. Pour la session hiver 2012, de nouvelles règles ont été apportées. Donc, pour en savoir plus, c'est UQTR.ca/stationnement et évidemment dans le zone campus. On fait un petit résumé de la campagne de cette année pour l'opération Nez Rouge. Une bonne idée que vous vouliez participer ou utiliser le service. Vous allez partir en champion. En champion? Champion! Bien. Il y a une collecte de denrées sur le campus. C'est la campagne de panier de Noël de la GQTR qui continue depuis plusieurs années. En 2011, ça se déroulait du 20 novembre au 7 décembre. Voilà. On revient sur Movember avec la taille c'est de moustache. C'est pas toi sur la photo, Mathieu. Non, ben non, je peux comprendre très bien la rédactrice en chef d'avoir choisi quelqu'un de pas mal plus séduisant que moi pour mettre sur la photo. Mais par contre, il y a une photo de moi sur le Facebook d'Assemblage Requis de quand je me suis fait rentrer. Ouais, qu'on peut aller voir, ouais. C'est magique. Malade. J'allais dire malade, mais je me suis surpris. Ouais. ça serait malade. Ouais, c'est à peu près ça. L'UQTR remet 241 000 $ en bourse. L'excellence, ça paye. C'est la dernière semaine de novembre qui a été lucrative pour plusieurs étudiants de l'UQTR qui se sont démarqués par leur excellence académique. Moi, j'ai rien reçu, en tout cas. Non, mais t'as juste un con, hein, je pense. Ouais. Ben, 241 000, il aurait pu. Se forcer un peu, en donnant à tout le monde. Hey, François-Olivier, t'en as-tu. On a-tu donné à François-Olivier? Ah ouais, faisais un chèque. Bon. La chronique de Simon Fédibé en pleine face parle de franc anglais cette semaine. C'est une chronique extrêmement controversée là, sur Facebook. Là, ça, les commentaires pullulent. Ah ouais, sur le blog? Dérougit plus. Ah ouais, ah, partout. Non, mais le sujet est très important. Et puis là, il y a l'affaire de l'AGEQTR avec l'affichage en français. Évidemment, le numéro est sorti juste avant que ça change. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il y a pris une décision, je pense, dimanche dernier. Là. C'est ça que ça allait devoir être genre deux tiers en français, le texte, et puis... Je sais pas exactement, mais il va falloir qu'en fait le nom soit écrit en français. Il va devoir y avoir au moins une présence du français pour le nom de l'événement. Minimum. Sur le campus, ça va être approuvé par le VPCOM, je crois, de la GQTR, mais bon, bref. Voilà pour cet article-là, et c'est tout pour la section actualité. Formidable. Du côté de la section société, il y a Marie-André Gauthier, qu'on sait, en fait, là, nous parle de la féminisation dans les textes. Ouais. Ça peut être... De plein facteur. Oh, c'est... Parlant de madame, on a des dames qui entrent en studio. Madame là, qui est rentrée. Et en plus, c'est son anniversaire. Ah, t'es-tu sérieux? Ben, c'est à peau. Ah, je me rappelais plus. Hein? Oh, ben, ouais, je me rappelais. Voyons, je me rappelais. C'était une blague. J'ai eu... C'est... Jasmine a pensé que c'était vrai. On était en société, donc. Et puis, oui, c'est ça, exactement. En fait, il y a Michael Magny aussi. Oui, avant, ça a bien du sens ce qu'il a dit. Est-ce que tu l'as lu un petit peu l'article de Marie-André? Oui, oui. Oh, oui, non, l'affaire de, tu sais, une femme et 5 millions d'hommes, ben, on dit. Oui, c'est ça, on est trop. Franchement. Mais peut-être que Jasmine va nous dire que ça va peut-être changer. Ah, la nouvelle orthographe. Oh, hein? Bon, une chose à la fois, là. Oh, c'est ça, exactement. On va lui laisser la chance d'entrer dans le studio. Voilà. Y a Michael Magny qui, d'ailleurs, nous parle de dépendance affective aussi. De relation homme-femme. Ah, OK. Non, mais je sais pas pourquoi je dis aussi. Parce que femme veut nécessairement dire dépendance affective, selon toi, c'est ça? Non. Et puis, on retrouve le fantasque. D'ailleurs, on peut croire, ça va les yeux? Oh oui, ça va très bien. C'est fantastique. D'ailleurs, c'est ça, le fantasque nous rappelle d'ailleurs la chronique de Simon Fitzbé. Tout à fait. Peu, mais d'ailleurs, les deux ne savaient pas. Non, c'était un hasard total. Hasard total. La caricature, ben, le dessin et le texte qui va avec a été déterminé par Hubert lui-même et le texte de Simon par Simon lui-même. Exactement. C'est une belle affaire, une belle coïncidence. Et puis, Jean-François Veilleux nous énumère en fait là, des suggestions de cadeaux pour Noël. Parfait. On a un spectacle maintenant. On revient sur la soirée musicale qui avait lieu à la Chasse-Galerie le 24 novembre dernier. Hein. Talent et diversité. Il y a plein de beaux gens là-dedans qui ont participé. Et puis, dont entre autres Jean-François Veilleux. Qui a gagné. Ben oui, qui a gagné. Félicitations. Bravo. Et Jasmine était juge. Tout à fait. Bravo aussi. Bravo. On parle du spectacle de Jean-Thomas Jobin. On dit impressionnante absurdité. On parle du match spécial contre le Kick. Par la Luitre, le Kick qui a remporté le match spécial d'improvisation de la vente de rien. Pas le Kick FM, juste le Kick. Je sais pas. Je pense pas que ça commence par la radio. Là. C'est, j'entends absolument pas ce que Jasmine me souffle à l'oreille. Crie-moi ça, Jasmine. C'est le Québec Impro Club, mais avec des K pour faire plus raciste. Non, ça c'est le Coca-Cola. Je crois, mais c'est pas la même chose. Match d'improvisation basé sur l'émission de télé Whose Line Is It Anyway, mais par la LIM, la Ligue d'improvisation mauricienne, ça s'appelait Whose Line Is It Anyway. J'adore ça. Une chance qu'ils n'ont pas utilisé le titre en français qui était Les Kamikazes à Radio-Canada. Ça aurait moins fité que la LIM, hein. Clam, ça ne marche pas. L'éditeur, l'article chronique, si on veut, de Sébastien Dulude qu'on a entendu hier à l'émission en version audio, symptômes, il parle donc de la situation culturelle, la santé culturelle en Mauricie. Je pense qu'il y a des affaires qui ne marchent pas là-dedans. Là. Marche pas. Mais le Zone Campus, par contre, comme il le dit lui-même dans son article, le Zone Campus est la seule place où on entend parler de choses importantes avec des photos et un gros article, comme l'exposition à la galerie Presse-Papier. Juste en dessous de son texte, tu parles d'un hasard, toi. Direct. C'est comme si on avait fait exprès pour le mettre là. Je te vois, tu dois l'aider. Ouais, c'est ça. Le retour de Maxime Martin en humour, le spectacle du TNM à Trois-Rivières qu'on appelle l'École des femmes. Hein, on a toujours tendance à mettre du Charles Lafortune dans ce qu'on dit dans la vie. Hein. J'allais dire l'école il fait des ça? Fans. Non, hein? L'école des fans. Ah. Les petits enfants qui chantent, là. Jérémy a peut-être commencé là, on sait pas. Non, il a pas commencé. Hein? Lui, direct avec le pape. Ah, lui, c'est straight to the top. Tu sais, quand tu commences avec le pape, là. C'est qu'après ça, tu ne peux que redescendre. Non. Les coups de cœur de l'année selon Mélissa Beaupré, donc sa rétrospective 2011. Et dernière page d'art et spectacle, le spectacle de Jérôme Minière, le vrai Jérôme, The Real Jerry. Le vrai. Oui. La comédie théâtrale Ladies Night et le lancement d'album de Das qu'on a entendu tout à l'heure avec. J'aime quand je parle bien comme ça, tout à l'heure, là. Avec la pièce armée. Formidable. Sport maintenant. Merci, Mathieu. Pour les sports, on va y aller rapidement. En fait, là. On parle de volleyball féminin. Qui est volleyball familial. Familial, mais... Qu'impact! Ça pourrait être agréable. Oui, bien tout à fait. Qui ont obtenu 3 victoires. Donc, en fait, on parle d'un tournoi parfait. Et puis, on parle aussi de l'équipe de cheerleading qui a connu sa première compétition de la saison. Oui! Cheerleading en famille, ça serait pas pire aussi. Juste ouais, l'image est belle, en matin. Ouais, c'est ça. Ah, oh, sacré Mathieu Plante, hein. Et après ça, on fait le profil sportif de Bobby Robida. Bobby Robida. Bobby Robida, qui fait partie de l'équipe de cross-country. Donc voilà, on parle aussi de la pause des Patriotes hockey qui va se dérouler jusqu'au 6 janvier prochain. Et puis Maxime Bilodeau avec sa chronique d'une foulée à l'autre. Il parle de la vie et la mort. Excellent texte comme toujours, sérieusement. Oh oui, c'est très intéressant. Les chroniqueurs sont sous à coche. Comme ils disent sur Facebook, check mes pipes. Check mes pipes. Mais c'est pas ça qu'ils disent. C'est toi ça? Tu fais ça? Ah, tout le temps. Ouais. Check mes pipes ou invente-toi-en. Hein? Mais t'es bon avec Photoshop, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, d'après moi, il... pas si bon que ça non plus pour réussir à me mettre des vibes. Hein? Ça va être beaucoup d'art. D'après moi, tu pourrais réussir à faire le coup de séduisant. Hein? Oui, bonne chance. Zone Campus qui est en kiosque du 12 décembre 2011 au 8 janvier 2012. Volume 7, numéro 8. Retrouvez-le partout en kiosque avec la petite ouverture de Noël. Et évidemment, allez commenter et partager certains de nos articles sur le zonecampus.ca. Merci, Mathieu. C'était assez sévère comme instruction. Hein? Et ça, on n'a pas le choix. Bon. Puis d'ailleurs, on peut répondre à la chronique de Simon et aux autres chroniques. Ben, c'est ça. Sur le blog. C'est ça. À un moment donné, hein? C'est comme ça. Ça sert à ça, cette affaire-là. C'est la propagation des opinions et tables rondes et Excelsior. Excelsior. Hein? Bon. De toujours Assemblage Rocky, dans quelques secondes, minutes, ce sera la chronique de Jasmine Raymond-Drainville, la chronique linguistique, et aujourd'hui, elle continue sur la nouvelle orthographe, et là, elle est en train de placer ses petits post-it là, sur toutes les affaires importantes à dire. Là, je suis sûr qu'elle a des tonnes. Regarde-moi ça, je vois même plus le vert et le blanc du livre, tellement qu'il y a des post-it après ça. Elle a choisi la même couleur de post-it que la petite barre sur son livre, parce qu'elle est vraiment, elle a coordonné. Fancy, seulement. On écoute une nouvelle entrée du palmarès anglophone de C'est fou. Voici The Kooks et Junk of the Heart. 89 FM, c'est fou. Junk of the heart is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. And what use is that to you or me, baby? See, I notice nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. And are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. To be sunk, but life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. Oh, you're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées. Mais toujours assemblage requis. Oui, François-Olivier Marchand est bien là. Moi, Mathieu Plante. Myriam Fugère va être avec nous aussi. Tantôt, on peut l'amener déjà des fois qu'elle voudrait parler. Là, hein? Es-tu prête? Ouais. Je sais pas. Non, elle a fait semblant qu'elle avait une extinction de goût. C'est ça. Oui, je suis prête. Je suis là. OK, mais c'est pas oui. Pas oh, merci. Beau cadeau. Caroline, hein, il se passe des affaires en studio. Là. Moi, comme un professeur, je vais demander à ce qu'on me lise la note à voix haute. François, lis-moi ton mot. Mot? Oui. Bonne fête. Hein? Bonne fête. Bonne fête. Merci. Bonne fête, bonne fête. À toi. Bon anniversaire, merci. Bonne fête. C'est la fête de tout le monde ou quoi, là? Non, c'est la fête à Jasmine. À Jasmine? Oui. Raymond Drainville, ben on va l'accueillir avec sa chronique puis on va lui souhaiter bonne fête dedans. OK? Oui. Chronique linguistique à Jasmine. Chronique linguistique à Jasmine. Jasmine, elle parle de langue, mais avec sa langue dans sa bouche. Bon. T'es faite, hein? T'aurais pas dû faire ça. Ouf! J'ai apporté un accessoire à Jasmine. Oh! Ah, des belles lunettes de soleil en étoile. Oh! Ça va être tellement belle. Parce que t'as peu. Oh! Ça rentre pas. Mais oui, professeur, tu vas lire beaucoup mieux avec ça. Wow, ça te fait bien. T'aurais dû y amener des bouts d'oreilles à 2011. Après, parce que là, ça non. Non. Non. C'est ton défi de la journée. Pas toute la journée, arrête. Non, mais de ta chronique. Ah non, tantôt. Merci, okay. Myriam, mais je vais les mettre tantôt parce que là, ça va être encore moins clair que la semaine passée, sinon. Ouais, mais justement. on veut pas ça. Je pense que c'était la pire à te passer côté compréhension de la part de François-Olivier, évidemment. Hein. Moi, je comprenais rien. Non, c'est ça. Mais c'est compliqué quand même. Mais je vais commencer par un petit résumé de la semaine passée. Mais tu sais, un court résumé, bref, facile. Moi, j'éteins le micro de François pendant facile. Ce bout-là. Non, mais sinon, je peux t'en faire. Eh oui, allez-y. De quoi tu te rappelles? De ce que tu te rappelles. Je me rappelle, en fait, les chiffres. 21. Non, mais toute Trédignon. Trédignon partout maintenant. Oui, c'est ça. Trédignon partout. T'en plains ça. Bon, ben, vois-tu, j'ai appris ça. Après ça, qu'est-ce que... Les onomatopées. Oui. Onomatopées, tout d'un mot. Mettons bing bang. Soudure. Oui, c'est ça. D'un coup, c'est. Soudure. Soudure. Hein, pas peu, là? Soudure. Quelqu'un qui avait l'air un peu épais. Je suis sûr que je pourrais souder avec ça. Avec les grosses lunettes dans l'étoile, je serais correct. Ils vont te protéger les yeux, c'est ça. C'est sûr. Ils fondront pas du tout, c'est pas en plastique. Hein? Okay. Ah, ça n'a pas coûté $1 du tout. Ah, est-ce qu'on non, non. Tu juges-tu le cadeau à Myriam? Ou... Hey, je t'en donnerai plus de cadeau. Les enfants. Oui. Est-ce qu'on se souvient d'autre chose? Non. Il y avait le pluriel, une règle sur les pluriels, des mots soudés ou des mots composés. C'était tout le temps le dernier mot. Oui, qui s'accordait. Oui, dans le fond, c'est ça. Plus précisément, quand on a un mot composé qui est formé d'un verbe et d'un nom, exemple brise-glace, c'est le deuxième mot qui va prendre. C'est le nom qui prend le S. Oui, c'est ça, c'est le deuxième mot. Ça, c'est simple quand même. Puis aussi, quand on a une préposition et un nom, exemple des sans-abri, c'est juste le abri qui va prendre un S. Ben, on en a déjà un, mais si on a une autre préposition. Mais si on a une autre préposition, ça va être le deuxième mot qui va prendre un S. Une préposition, c'est quoi? Ils ont. Ben, tu sais, à. À la fin, on met deux S à sans-abri. Plein d'affaires, là. Trois S parce qu'il y a un 2S dans le sang, puis un à abri. Okay. C'est quoi le professeur? Mais ça va souvent. Attends, mais j'ai pas de définition là, précise ce matin. Mais, tu sais, que tout ce qui est à. Okay. À 100, avec quelque chose. Là, à 2% d'habitude, qu'on dit. J'avais une chanson avec ça quand j'étais au secondaire, mais je vais vous épargner ça ce matin. OK. Ah ouais, c'était quoi? Ok, vas-y. Je peux vous les nommer. Là, il y a A, après, avant, avec, chez, contre, dans, des, depuis, derrière, devant, des, durant. Il y en a plein. Je vous la chanterai une autre fois. Tout, un autre matin. Mais non, mais je l'ai ça pas chanté. Ça avait l'air d'un beat plat un peu. Non, c'est sur l'air de... C'est vrai qu'il y a une chorale. Oh, quatre! C'est sur l'air de... La chronique. La même chose. Hey, s'il vous plaît. C'est la merde. C'est ma veille. Faut-tu t'en chanter? Non. Là, on chante pas par-dessus qu'elle parle parce qu'on comprend plus rien. Elle a dit, c'est sur l'air de la même chelle. C'est ça. J'ai chanté ça. Mais je la ferai pas. Je vais continuer avec mon résumé pour essayer d'éclairer vos lanternes un peu. D'accord. Pour ce qui est de la soudure du trait d'union, on avait parlé qu'il y avait une soudure avec les mots qui commencent avec contre, entre. Donc, par exemple, contre-temps. T'enlèves le. Entre-temps. Ouais, contre-temps, entre-temps, contre-jour, tout ça. OK, tout ça. Essaye de me pogner, mais tu m'auras pas. Ouais, j'ai rien. Tu m'auras pas. Parce que je sais qu'il y avait des mots qu'il fallait enlever la dernière lettre du premier mot quand on Ouais, ben tu sais, si on dit. si les deux lettres se répètent. Un contre-exemple, on va pas mettre deux E, là, on va juste, en regarder un. C'est logique, ouais. C'est ça. OK, y avait aussi avec extra, infra, intra, ultra, j'ai aussi extraterrestre, ultrason, quelque chose comme ça. Méga. Méga vente, mettons, au Carrefour de Trois-Rivières, Screaming Eagle, Méga Sale Here Today. Oui. Ouais, c'était terrible, hein, ça? C'est moi qui l'ai posté, ça. Oui, je sais. Ouais, les pancartes en anglais complètement. Hein, même plus besoin d'avoir du français. C'est « Mega sale here only today, right now ». Ce qui est drôle aussi, c'est que tu vois qu'il n'y a personne qui va là. Non, mais c'est ça. On dira pas la pub vient d'où, là. Ouais, puis c'est, okay. C'est le Carrefour aussi. Aussi, lorsque c'est des mots d'origine étrangère qui sont bien implantés dans le français. Finalement, le baseball, week-end, volleyball, tout ça. OK. Moi, c'était obstiné sur baseball. Baseball ne prenait pas de tradition. Bon, on résumera pas tout la chronique la semaine passée non plus. Hein. Là, bon, c'est ça. Fait qu'en gros, c'était ça. Il y avait comme la soudure, des réunions, des affaires de même. Il y en avait plein. OK, aujourd'hui. Ah, c'est l'autre. OK, parfait. Aujourd'hui, c'était juste un résumé parce que c'était confus un peu la semaine dernière. Oui, c'était un peu confus. À cause de certaines personnes. C'est ça, on dira pas non, qui. Non, mais à cause de moi aussi, là, c'était confus. Mais est-ce qu'on peut souder son nom, sur genre, qu'il soit moins long? Hein? Franco. Franco-Olivier. Franco. Non, mais quand j'étais jeune, petite anecdote. Anecdote qu'on n'a jamais compté, je pense, en nombre. Ouais, on l'a déjà compté. C'est quoi, mais je crois qu'ils n'écoutaient pas. Non, c'est ça, mais eux autres, c'est des bizarres. En fait, je disais mon nom super vite, donc je disais François-Olivier, mais les gens pensaient que c'était François-Olivier. Tu sais, parce qu'on entend ça, c'est commun quand même, le prénom Olivier. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis François, je prends une pause, et après ça, Olivier. Non, mais ça aurait pu être François, nom de famille Olivier. Ah, ben oui, c'est François Olivier. C'est vrai, c'est vrai. Salut, moi c'est François-Olivier. Pourquoi tu dis ton nom tout le temps au complet? Bon, je sais pas. C'était l'habitude. Souvent, les gens m'appellent aussi François-Xavier. Ah, ouais. Bon. Ou François-Charles-André. Charles, mon deuxième nom. Ah oui? Ouais, sérieux. Ah, et donc, le prénom de ton enfant aussi, Charles-Olivier, ça vient de ton deuxième nom? Non, de ton oncle, ton grand-père, ta sœur? Non, mais mon père, c'est François. Ta sœur, moi, c'est François-Olivier. Lauriane. OK. Ça, c'est François-Olivier. Hey, laisse-la tranquille. Oui. Bon. Anecdote, hein, ça valait la peine. Je vais continuer. Okay. Je vais commencer. Ce matin, je vous parle de. Les accents et du tréma. Je vais juste me contenter de quelques petites règles plus simples que la semaine dernière. Les accents comme. Ay, caramba! Non? Oui. Muy caliente. Oui. Ou la voiture. La voiture? Ou un chapeau de fête. Ah oui, mais c'est moi qui l'ai dit tantôt en plus. C'était la tienne, ça? Chapeau de fête. C'est François. Ouais. Il y avait aussi un magasin de décoration, je pense, Accent sur le boulevard des Récollets, je pense. Accent meubles. Ouais, c'est des meubles. Ouais, c'est ça. Tu vois comment je connais ça? Myriam me trouble, elle me regarde avec ses grosses lunettes, par-dessus ses lunettes. Myriam est fâchée que j'ai dit de pas parler puis de chanter pendant que tu parlais. Fait que donc, elle s'est dit, je vais te regarder avec des lunettes bizarres, hein? Voilà. Hein, c'est ça? Elle est fâchée. Non, là, je fais juste porter beaucoup attention à ce qu'elle va dire parce qu'elle va commencer sa mousseuse de chronique. J'essaye bien fort. OK, ouais. Quel gros préambule. C'est parti. Mais non, mais je vais faire un résumé pour vous éclairer. OK. Dans des mots comme événement, réglementaire, crèmerie, assèchement, dans le fond, des mots qui comprennent un E muet, okay. On ne dit pas assèchement. Mais assèchement, fait que okay. Le E, on... Assèchement, ouais. Assèchement. Au lieu de, tu sais, par exemple, dans réglementaire, autrefois, on écrivait réglementaire. Okay. Là, c'est réglementaire? Ouais, c'est ça. Parce que le E, on ne le prononce pas tant que ça. Accent grave. Puis, dans, mettons, exemple, crèmerie, on aurait écrit crèmerie, C-R-E-M-E-R-I-E. Non. Accent grave. Mais dans master, oui. Ouais. Avant, tu aurais eu une faute, bon. Bref, quand on a un mot avec, dont la deuxième syllabe, ben pas la deuxième syllabe, mais... Quand il y aurait eu un E accent aigu qui aurait précédé une syllabe qui possède un E muet. Ça aurait pas été plus simple de faire une règle sur le genre E quand, cette crème d'habitude, ben tu mets crèmerie. T'sais. Ça aurait pas été plus simple comme règle, genre. Ouais, prendre le mot de base, mettons, genre qui vient de. Ça aurait pu. À la place de dire avant une consonne, blablabla. Ça aurait pu. Mais c'est bizarre, crèmerie, parce que crème prend un accent grave. C'est ce que je viens tout juste de dire, exactement. Ouais, c'est ça, ben oui. C'est ça l'affaire. Et je pourrais pas critiquer le phénomène, honnêtement. C'est beaucoup plus logique. Je n'ai pas écrit le livre sur lequel je me base pour tout ça. Et sur, qui c'est qui a écrit ça? Chantal Content. Mais pour vrai, c'est un excellent livre. Ouais. Non, j'imagine. Il s'appelle Le grand vadémécum de l'orthographe moderne. Vadémécum? Vadémécum. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme Bobby Robillard, je ne pose pas de questions. Bonne fête. Merci. Parfait, OK. Au futur et au conditionnel des verbes du type CD. Là aussi, au lieu de dire « je céderai », on va dire « je céderai ». Parce qu'on le prononce comme ça de toute façon. Comment? Myriam est tannante aujourd'hui. J'ai dit « anti-disque compact ». OK. Ou plutôt « compact disque ». Oui, c'est ça. « HDG ». Oui. OK. après ça, lorsqu'on inverse un mot qui est trop... Je vais recommencer au début. Dans les inversions interrogatives avec trait d'union J-E. Par exemple, je vais te donner un exemple pour illustrer. Vais-je faire, ferai-je? Ben, par exemple, si je dis j'aime, puis que j'inverse, ça va être aimais-je. Mais au lieu d'être un accent aigu, pas rapport, on va mettre un accent grave comme on le prononce. Tout simplement. Ah. Tu mets un accent où, là? A-I-M-E, accent grave, trait d'union J-E. Avant, c'était un E accent aigu. Hein? Il y a marqué le A-I, moi. Ouais, attends un peu. Ça marche pas. Non, A-I-M-E. Non, parce que si tu dis A-I-M-A-I, tu deviens au passé simple. On n'est plus dans le même temps. J'aimais, c'est pas le même temps de verbe. OK. C'est... moi, sans vouloir, quand même. Personne. Vadémécum, ça veut dire viens avec moi, c'est ton aide-mémoire. Voilà. Ah, c'est pas une chanson de Karim aussi, non? Oh, ça paraît qu'on fait équipe, hein? Je suis vite. J'étais là. T'es présent. Quand ça a une question, j'y réponds. Caroline, t'es fort. Mais est-ce que vous comprenez pour cette dernière-là? Non. Oui, mais je comprends pas l'exemple, mais moi je comprends ce que c'est. Je peux trouver un autre exemple. Je l'aurais pas écrit comme ça. Moi non plus. Genre, en fait, j'aurais jamais écrit j'aime à l'envers. Mais ça, c'est on va jamais vraiment dire ça. C'est plutôt à l'écrit qu'on va dire ça parce que. Mais est-ce que j'aime, faudrait que tu dises aimais-je? Si, tu. Dans un langage plus soutenu. Eh ben. Mais tu sais, c'est très rare qu'on entend ça à l'oral, en fait. Moi, je pense pas l'avoir déjà entendu dans la vie de tous les jours, mais à l'écrit, souvent, on va peut-être plus utiliser ça. Ouais. Hey, mais j'allais prendre une marche. François, veux-tu quelque chose à dire? Non, c'est bien. Ça va? Oui. Est-ce que tu comprends? Oui, ben, plus ou moins, mais oui. OK, là, t'as une idée que tu peux regarder, mais c'est ça, parce que... Hein? J'ai besoin d'aide mémoire, là. C'est ça. Ben, c'est un visuel, le gars. Parfait. OK. Ensuite, on parle de l'accent circonflexe, c'est assez facile. Les petits chapeaux. Des petits chapeaux, bon. Des fêtes. François connaissait les petits chapeaux. Oui. OK. Les accents qui sont sur les accents circonflexes, en fait, les petits chapeaux, qui sont sur les I et sur les U, il n'y en a plus. Ah! Ben, à moins que, par exemple, le mot jeune, une jeune personne, et un jeune, on va garder l'accent parce qu'il dit. C'est ça, il. Distingué. Est-ce que tu as un autre exemple d'un mot qui avait un accent circonflexe sur et qui n'existe plus? Qui n'existe plus? Paraître. Homonier, mettons. Ah. C'est celui sur le i puis sur le u. Ah, okay. Je pensais. Mais donc, okay. Bûche, il y en a plus. Pareil, tu n'en prends plus. Bûche, on n'en avait plus. Donc, château, mettons, en garde un parce que c'est pas un i ni un u. Bravo. Hey, wow. Oui. On comprend celle-là d'un coup, c'est dans un. Go. Mais comme je dis, à moins qu'il y ait une fonction distinctive, là, on va le garder parce que sinon, on ne sera plus jamais capable de rien distinguer puis on va dire n'importe quoi. À la place de dire jeune, on va devoir dire flow, ça. Ouais. Dans l'écrit, c'est pas aussi beau. Hein? Effectivement. Je déjà. Wow. Oui. Vite. Donc, autre exemple, le mot flûte, n'en prends plus parce que... Ah, tu dois être déçu par contre, toi qui aimes la flûte. Oui, j'aime ça la flûte. François aussi aime ça la flûte. Ah, j'adore la flûte, écoute. OK, pour ce qui est du tréma... Là, on le tripe de flûte à matin. Oui, flûte alors. Mais non, mais c'était à cause de son buzzer de l'autre fois. Ah, oui. Ah, ouais, bon, la petite chanson au début, le poui, ça c'est qu'on entend pas mal souvent. OK, pour ce qui est du tréma, souvent on va le voir dans des mots comme aigu, exigu, ambigu, tout ça. Noël? Puis, ouais, mais là, en fait, ça va être... C'est plus précis. Non, c'est plus précis. Non, on va le déplacer plus logiquement. Par exemple, c'est si sur on... Le L. Non, mais si on écrivait... Sur le L. Si on écrivait... Pas si on écrivait, en fait. On écrivait aigu, A-I-G-U, E, tréma. OK. Eh, hey, non, ouais. Ouais, on a toujours écrit comme ça. Ouais, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Fait que la place, on le déplace sur le U. Ça, c'est bien plus logique. C'est plus logique. Mais le tréma sert à quoi? Ouais. À dire que tu dois prononcer les lettres une après l'autre, à la place de faire une genre Ouais, mais par exemple, je sais pas... Non, c'est pas ça. C'est comme Noël, non, à la place de Noël, c'est Noël. Par exemple, le mot astéroïde, au lieu de dire... Astéroïde. Oh, astéroïde. C'est pour ça. C'est ça. C'est mettre l'accent sur la lettre qui va être accentuée. En fait, c'est de la prononcer indépendamment de la lettre qui la suit ou qui la précède. Myriam, c'est bien dit ça. Je suis vraiment contente. Pas de faire, j'ai appris quelque chose dans ta chronique. Je savais vraiment. C'était la première fois. Non, appris l'ancien orthographe du mot aigu. Non, mais que la fonction du tréma, je savais même. Non, non plus. Ah, tiens, on l'utilise parce que sont de main. Mais justement, c'est comme quand on parle du mot Noël, c'est vraiment parce que les trémas sont faits pour qu'on dise Noël. Quand les gens disent Noël, ils sont dans le tard. C'est que tu prononces vraiment les deux lettres comme presque séparément. Karim Ouellet prononce ça Noël. Ouais, mais faut que t'ajoutes un W, c'est pour ça. Karim Ouellet, il est cool. Ouais, il est cool, Karim Ouellet. Comment tu disais, Myriam? Faut que t'ajoutes un W, ça va, c'est Noël. Non, c'est Noël, fait qu'un U et un W. Donc, le tréma sert à ça, puis pour faciliter, pour que ce soit plus logique, au lieu de le mettre sur le E de aigu, de exigu et tout ça. Parce que tu diras pas aigué, tu sais, mettons, il me semble que le tréma m'aurait donné l'impression que c'était c'est aigué. Puis moi, il me semble que chaque fois que je l'écrivais, je me disais, voyons. Il y avait tout un faux dans Word. Non. Antidote faisait comme oui, oui. En tout cas, on met ça sur le U. Ça, c'est la version d'Antidote avec un chat, là. Il faut l'acheter sur Internet. Ouais. Quand tu me fais, ça fait ouais. On continue. Ensuite, les mots qui sont empruntés dans d'autres langues, par exemple, Pridzeria, diesel, des mots comme ça vont prendre des accents aigus. Pizzeria va prendre, on l'écrira plus comme en anglais. Ça va venir de, ça vient de quelle langue? Italien sûrement, là. On met un accent aigu. Ah, ça se passe, on met un accent aigu parce que les mots sont comme rendus en français, là, vu qu'on les utilise et qu'ils sont bien implantés dans l'usage. Voilà, on met des accents aigus. François est revenu de sa mouchette. J'ai un peu écouté sa mouchette. Non, mais c'est parce que j'ai pas écouté, je me mouchais, mais le accent aigu, il va où? P-I-Z-Z-E? Ouais. B-I-Z-Z-X. Mais comment on prononce son... Ouais, mais comment... Ben ça, j'en aurais mis un. Moi aussi, j'avais tendance à penser qu'il y en aurait un. Ouais. Même dans l'autre mot que tu vous nous as dit. Vous êtes tellement avant-gardiste. Ben c'est ça, on est des... Oui. Dans, c'est notre principale qualité. Pas moi, j'en mettrais pas. Ouais, toi. T'arriérerais, toi. Ouais, moi, t'arriérerais. Coéquipier. Pizzeria. Un autre exemple. Pizzeria. Oui. On va ajouter un accent aussi sur... par exemple, dans le mot a priori, qui est utilisé comme une préposition, le A fait... Vu que c'est comme rendu en français puis qu'on l'utilise, ouais. Il est bien implanté dans l'usage, on va mettre un accent grave. OK. A priori. Oui. Ouais. Je pense que j'ai jamais écrit ce mot-là. Non, mais on l'a souvent entendu par contre, non? Oui, mais c'est implanté, ouais. Par exemple. Ouais, c'est non, mais vous l'avez déjà entendu, là, sûrement? Ouais. A priori, oui. J'ai déjà entendu. Demandeur homme, là, j'ai dit. Ouais. A priori, à demain. Ça, puis les gens qui utilisent des expressions comme tout le temps en d'autres langues, genre, juste pour faire l'offense, t'entends genre, c'est comme un personnel non grata, non, tu sais. Non, mais tu sais, on entend tout le temps ça, c'est comme, ouais, ça va, là. Moi, j'aime bien dire, c'est pas dans une autre langue, mais nonobstant ce fait. Nonobstant ce fait, blablabla. Votre café semble bien bon, monsieur. Oui, c'est ça. Nonobstant le fait que. Que vous puez, vous sentez la crotte. Café pourquoi c'est ça ces exemples? T'sais, le monde s'en n'importe de quoi. Hey, mais j'ai quasiment fini. Fait que juste faire un petit résumé, c'est fini après. Après ça, tu t'en vas te coucher? Non, je m'en vais pas coucher. Je reste ici. Est-ce que vous voulez que je reste? Ben oui. Oui. T'as pas le choix, en fait. C'est dans ton contrat de... Je t'ai apporté un buzzer, là. Ouais. Un instant. OK, est-ce que je peux choisir en premier? OK, je finis. Même moi, j'étais en train de déraper de mon propre sujet. Fait que finalement, les mots qui sont empruntés, selon la prononciation, on va leur mettre un accent. Par exemple, pizzeria, on va y mettre un accent aigu, mais s'il y avait un mot comme ça qui... Très bien. En fond, c'est de l'adapter comme s'il avait toujours été en français. Ouais, c'est ça. Okay. Mais les livres sont rendus en français. Mais là, ça devient extrêmement difficile pour vous autres, les professeurs, à savoir qu'est-ce qui est quoi. Vous cherchez toujours. Non, mais exemple que moi j'écris. Mais en fait, on se le fait enseigner, là. On se l'a fait enseigner là. Là, présentement, ils te l'apprennent, là, comme ça. Ouais, c'est dans un micro là, que je vois ça. OK. Mais ceux qui étaient déjà enseignants avant, qui l'ont pas appris, doivent aller suivre un cours, doivent se renseigner et lire le livre de Mme Contente. C'est pas si compliqué que ça, honnêtement. Là, c'est parce que là, c'est à la radio, c'est sûr que ça demande plus d'explications pour. Tu parles d'une idée, une chronique de ça à la radio, c'est pas vrai. Non, je sais, mais honnêtement, c'est pas très compliqué. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a une liste complète des mots qui sont touchés par ces rectifications-là aussi. Mais veux pas, toi, t'as appris à écrire quand même avec le vieux système, là, en guillemets. Ouais. Ouais. Donc, en fait, est-ce que t'écris comme ça maintenant? C'est pas naturel encore. C'est pas assimilé, là. Ça dépend des choses, ouais, c'est ça. Pas encore, honnêtement. Là, mes accents circonflexes sur paraître, sur naître, je les mets encore. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est ça. Mais justement, la semaine passée, je recevais un courriel d'un de mes profs, puis lui, ben, c'est des i, pas d'accent. Mais c'est assimilé, là. Ouais, mais c'est lui qui l'enseigne aussi, là. Il faut faire vraiment attention, là. Plus tard, quand tu vas écrire au tableau, tu vas faire particulièrement attention à ça. Probablement parce que sûrement qu'ils vont s'être fait apprendre le français comme ça. Mais en même temps, c'est pas une erreur si tu mets encore... Non, il y a personne qui peut être pénalisé pour aucune des deux formes, là, finalement. Mais tu sais, dire de faire attention, c'est comme demander à ceux qui chialent contre l'affichage en anglais, dire qu'ils écrivent mal sur Facebook quand ils disent des affaires en français, mettons. Je comprends pas l'exemple, en fait, là. Non, c'est ceux qui chialent contre l'affichage qui est juste en anglais, mais qui sont pas capables d'écrire en français sur Facebook. C'est l'écrit, ouais. Ils chialent sur Facebook, demain, mais ils l'écrivent pas dans un bon français. Voilà. Mais en fait, n'importe qui, honnêtement, je trouve, qui essaye de... Non, mais tu sais, souvent, il y en a qui chialent beaucoup, mais on dirait que moi, je suis pas portée à lire, à prendre au sérieux, on dirait, un commentaire qui est écrit tout proche. Ben, c'est un peu ça, mais c'est ça. C'est ça que ça voulait dire, c'était mal dit de ma part, mais c'est exactement ça que ça voulait dire. Voilà. C'est ce qui conclut ma nouvelle orthographe ce matin. Déjà? Super. Déjà. C'est plus clair que la semaine dernière, j'espère. Oui, ce l'est. Ouais, vraiment. Et puis, on a retenu des choses. Oui. Hein? Je vous le demanderai au retour. Ben, c'est ça. Faudrait faire à la fin un genre de petit questionnaire, mettons en français, pour savoir si tu as écouté ta chronique. Ben, ce matin, il y a quand même. Ouais, mais je me suis surpris moi-même. Bravo à tout le monde. Bravo à tout le monde. Petit chapeau et grosse lunette de soleil. Est-ce qu'on lui chante bonne fête? Non. Ah, ben oui. Ouais. Ben oui. J'avais mes lunettes, attendez. Ok, mets tes lunettes. Pas que vous me voyez pleurer. Non, c'est ça. Tellement je vais être ému. Wow, okay. Ça tient pas, comment? C'est Myriam qui parle bail. Ok, vas-y. Hé, hey, mais on chante quelle version? Il y en a tellement. Ah, vas-y, on te suit. Parle-moi. Bonne fête, Jasmine. DJ Jesse Drain. Bonne fête, Jasmine. DJ Jesse Drain. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Jasmine. Jasmine. Yeah. Ouais. Rock on. Merci. Bon, on n'en parle plus jamais. OK. Fuck. Non, mais vu que c'est pas sa vrai, fin, bonne fête. Non, mais avant qu'on... Moi, je propose, là. OK, un toast. Je propose. Ding, ding, ding, ding, avant qu'on aille... J'aimerais vous faire... Oui, okay. Ben, tu sais, on le sait tous, là, aujourd'hui, je fais un quiz sur les chansons de Noël. Oui. Puis, je vous ai donc, pour la circonstance, apporté des buzzers. OK. Alors, vu qu'on vient de lui chanter bonne fête, oui, je propose qu'on lui laisse choisir son buzzer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, bonne idée. Pas d'accord, là, mais si bon, vous êtes deux contre moi. On a un micro. Okay? Ah, wow. La manière que ça fonctionne, tu sais... Ça résonne? Écoutez bien ça. Ça fait rien, pardon? Tu sais, en tout cas... Mais la manière pardon, qu'on va le faire pardon, fonctionner, hein? C'est quoi? Bouh! Va falloir que vous fassiez bouh! C'est comme des gros. Il marche tellement pas que j'entends absolument aucun. Mais c'est un sans fil. Ah ouais, c'est un micro sans fil. C'est en plastique. Les batteries sont faibles. Les batteries sont faibles. OK, fait que là, t'as celui-là. OK, bon ben. Moi, j'ai pas goût de l'avoir, lui. Bouf. T'as celui, la version un peu plus exotique. Un autre micro. T'as deux. Une noix de coco. T'as deux noix de coco. Et tu dois t'apprendre. Ça fait qu'il y a des deux. Hier, justement, elle me dit, j'ai trouvé mon buzzer. Biquet. Elle dit, je garde vraiment pas beaucoup vrai d'objets inutiles. On le voit ce matin. Non, en fait, il s'agit de deux machins dans lesquels il y avait un espèce de sorbet à noix de coco. Wow. Ah, okay. Club Price. Wow. Oui. Donc, on les tape ensemble. Okay. Ou sinon, j'ai la version de Noël. Oh! Ah, moi, je veux ça. Cool. J'étais sûre qu'elle voulait. Ah, moi, je veux des noix de coco. Pourquoi? Yeah! On va commencer avec le pire de la gang, c'est clair. Tout le monde dit, moi, je fais ça, moi, fais ça. Moi, c'est mon prêtre, celle-là. Ouais, je viens de baver dedans, moi, y aller, moi, tu sais. C'est comme te frencher, mais c'est un micro, tu sais. Ben, Ken, vas-y, ah ouais. Ah, vu de même. Ouais, vu de même. Minute tombe. C'est pas de la merde, ça. Hein? Y'en reste un? Mais je vais te regarder. Non, là, moi, elle a pas le droit de jouer. Ah, tu joues pas, bon. Non, mais c'est elle qui pose des questions. Donc, les buzzers sont distribués. On en reparlera tantôt. On va écouter une pièce pour l'instant de Salomé Leclerc. Voici partir ensemble! C'est fou, cet assemblage requis jusqu'à 9h. C'était pas celle-là. C'est laquelle? T'en voulais une en particulier? Mais oui, je t'ai dit celle qui joue dans les palmarès. Ah, c'était pas celle-là. Ça me chuchote ça comme si on t'entendait pas. Hey, je l'avais déjà écrit. Ça ne revient pas, François. Ah. C'est pour Jasmine. Bonne fête, Jasmine! Mais c'est ça, ma demande. Cadeau. Ton cadeau de fête. Merci. T'es fine, on t'apprécie à mort. C'était senti. Hey, t'es fine. C'est Myriam qui se cogne les seins ensemble, je pense. Tu me verras jamais ramper dans la boue. T'as qu'à éteindre le jour pour ne pas voir les morsures à mon cou. Va de Pat Kenny. Et la pièce Cardinal Rule, on savait pas quand ça allait finir. T'sais? Donc, fin de la première heure, on se retrouve tantôt avec la chronique de Myriam Fugère. Et petit quiz. Le petit quiz avec des... ça marche pas, mon affaire. C'est vraiment le pire. L'air. Ah, là, je suis tombé déçu de ton chose. Tu l'emploies mal, on dirait. Tu me remontreras comment l'utiliser. Parce que j'ai voulu t'apporter un tambour, mais je me suis dit que c'était abusif. Un petit peu, hein? Trop de bruit. Bref, un quiz sur les chansons de Noël. Ça va être une partie de plaisir, comme toujours, avec Myriam Fugère tout à l'heure. Alors, restez avec nous pour la deuxième heure de Sondage Rock. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage Rocky en ce mercredi 14 décembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Et on a aussi Jasmine Raymond Dreville et Myriam Fugère avec nous. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Myriam, qui avait l'air d'un petit pinson qui est en train de mourir. Ah, mais devant le micro qui t'a pas ouvert, une chance. Hein? Ça sonnait comme, tu sais, comme dans Donkey Kong, il y a des oiseaux qui crachent des, des noix de coco. Oui. Je trouve que ça sonnait comme ça. Ah, tu me parles, tu parles mon langage. Là. En tout cas, En tout cas, c'est à peu près ça. Moment spécial de l'émission, Myriam Fugère, on va faire un petit échange, on a échangé nos animateurs. Vous allez voir, ça va être super le fun. C'est la chronique... Ça va être super le fun. Aléatoire, ben j'ai pas l'air d'y croire. La chronique aléatoire de Myriam Fugère, et nous pendant ce temps-là, on change de place. On change de place, attention, Myriam s'en vient ici. Vite! Non, ben ça, tu peux de même. Ben oui, j'ai tous les pouvoirs. Je me sens drôle dans cette chaise-là, on a l'air tout bizarre. Tout a l'air bizarre. Ça. Bon. Okay. Hey, salut Myriam. Myriam. Ça va? Non? Oui, oui. Non, ça n'a pas l'air de bien aller. Ça allait trop fort. Ça allait trop fort. Ça allait trop fort. Maîtrise parfaitement. Parfaitement. Mais hier, on parlait, Myriam et moi, Myriam, formation de radio. Hein, mais ça? Oui, là, ça va bien aller, voyons. Que si elle se trompe, mais... je vais pouvoir lui dire, parce qu'elle est fendante de me dire, « Moi, je vais croire la radio, Ouais, je suis capable. Ah, bon, ça. Donc là, je vous ai préparé un quiz de chansons de Noël. Il va falloir que vous me fassiez voir. Puis là, j'ai fait exprès, OK? Je tiens à dire que je n'ai pas usé de favoritisme. J'ai pas pris des chansons qu'on faisait d'un petit chanteur de Trois-Rivières, OK? Donc, je me suis dit que ce serait trop facile pour Jacine. Mais en même temps, vous partez avec quand même un bon répertoire, là. Ben là, arrête. C'est même depuis tout le temps, ça. OK. Mais moi, je déteste la musique de Noël, pour vrai. Donc, j'aime pas ça par tout non plus, là. Aïe, OK, c'est beau, je peux m'en aller, si vous voulez. Aïe! Bon, donc, ça en est que plus agréable. Est-ce on rappelle notre... C'est quoi, ça? Un micro? Mais bon, moi, quand même, je sais pas comment utiliser mon... Fais feu, fais juste feu, là, finalement. Ah, là, feu, mais feu. C'est juste ce que... Feu! Fais feu! Feu! Aussi bien juste dire feu dans le micro, hein? Ben, non, t'es parce que nous autres, on le voit. C'est pas le fun. C'est pas le feu. Mais feu. Donc, je vous explique un peu avant qu'on fasse les tests de buzzer. Okay. Donc là, il y a différentes catégories de questions. Non. J'ai mes questions dans lesquelles on joue à la chanson arrêtée. Oh! Donc, comme à la fureur. J'arrête la musique. C'est pareil. Exactement. J'arrête la musique et puis il va falloir que vous continuiez la chanson. Ouais. Vous faites votre buzzer, vous continuez la chanson. Ouais. Ou sinon... je vous fais écouter un refrain, un couplet, puis là, faut porter très attention. Puis à la fin, je vais vous poser des questions sur quelque chose, sur un élément dans le refrain. J'ai une question. Ou le couplet. Oui. Est-ce qu'on doit dire qu'il chante? Non, wow. Comment non, wow, là, non, parce que je vous ai relax, trouvé. J'aimerais vraiment extraits. Ça qu'il n'y avait pas d'extrait de Mère Chantal Toupin. Non, Noël, je vous ai trouvé des extraits. Pourquoi elle est bonne? Non, c'était des randoms sur YouTube. Okay. Je trouvais que c'était plus agréable parce que c'est plus drôle. Super. Puis on a Disney chante Noël maintenant. Aïe! Ah, yeah. OK, donc on va commencer avec le test de buzzer. François-Olivier. Noix de coco. Noix de coco. Là, t'es mieux de faire honneur, là. Oh, ouais. C'est quand même les scènes des Réam qui sont les mains. J'ai fait attention. J'ai donné toutes les réponses. Ben, gars. Non. Oh, wow. Test de buzzer de Jasmine. Ah, c'est vrai. Très dans la thématique. C'est beau, hein? J'aurais dû t'apporter ma grenouille de bois. Fun. Ça sonne pas partout. Fun. Non, mais essaie de le tenir loin. Puis, loin? Mais genre la fin du micro devant. Ah, OK. Pas ça, cette fin-là. Oh! Oh! mon fil est passé long. Okay. On tient quelque chose. On tient quelque chose, oui, en effet, de forme très... Ouais. Vas-y donc. C'est une forme, ce micro. On dira pas phallique, là, mais... Hé, hey, trop tard. Hein? Trop tard. Fait que là... OK, donc on commence avec la chanson Arrêtée. Hey, attends un peu, là, c'est quoi? Un point par bonne réponse, puis si on a une mauvaise réponse, est-ce qu'on perd des points? Faut continuer pendant combien de temps? On perd pas de points. Pas la fin de la chanson, là. Non, on n'écoute pas la chanson complète, là. Non, mais je sais, mais je veux dire... On n'a pas le temps. Non, c'était pas ça ma question, c'est correct. OK. Donc, vous êtes prêts? Oui. Je vais un petit peu monter le son, tu sais, pour être sûr que ça fonctionne. Mais inquiète pas, Mathieu, je vais te regarder, puis si je vois que tu le fais en premier, je vais... Moi, j'ai l'angle visuel directement vers l'écran, je vais me retourner vers vous. OK, donc, toi, tu vois toutes les réponses. Plus maintenant. Non. Ben, l'écran est en haut, là, ta voix. Ben oui, mais ça change absolument rien, là. Il n'y a pas les paroles qui décrivent. Vas-y. OK, donc la chanson, c'est Le Petit Renne au nez rouge, un classique. Non, on se calme. Oh, et donc vas-y. Là, celui-là, c'est la chanson Arrêtée. Donc, ça commence. Quand j'arrête la chanson, vous continuez. Je rajoute la musique, puis ça quitte. Oh, on l'appelait Nez Rouge, ah, comme il était mignon. Le petit rein au nez rouge, rouge comme le mignon. Son... C'est fou, feu! Mais faut-tu vraiment chanter? Je pense que Mathieu savait en premier. Son oui. Petit nez faisait rire. Oui, c'est ça. Je sais que ça en moque beaucoup. Ouais, ça. Un point pour Mathieu. Wouhou! Hey, je pensais pas en avoir un. OK. Vous savez, vous avez trouvé que je suis mauvais dans les chansons de Noël. Ah, c'est pas grave, là. On s'amuse. OK, on continue. Chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire. Jasmine. Qu'il aimait prendre un petit coup. Oui. Ouais. Un point Mathieu, un point Jasmine. D'ailleurs, zéro point François. On cumule pas les points pour les équipes. Je vais pas mettre ma bouche sur la face, c'est dégueulasse. C'est pas propre, tu as touché. Hein? OK, ben merci, c'est très, très sympathique. OK, ben je vais mettre ma bouche encore plus près de bord. OK, Petit Papa Noël. Donc, je vous la fais écouter, puis écoutez très attentivement. Oups, je me suis trompée, on est ça. Donc, on écoute très, très, très attentivement, puis quand je vous poserai la question, ben là, il va falloir que vous répondiez, OK? Petit de moi. OK. Hey, en effet, je vais même pas poser la question. Ah, c'est une question, ça. Donc, dans la chanson Le Petit Papa Noël, tu sais, l'enfant veut absolument pas que le Père Noël oublie quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Petit lieu? Oui! Ouais! J'ai un point. C'est pas juste, faut que je sois super loin du micro, moi, pour faire mon affaire. Il faut que je me recule, ça prend 3 secondes. Ben, prévois-le. Prévois-le. J'ai eu un point. Oui. Moi aussi. OK, tout le monde a un point, là. Ah, wouhou! On est hot. C'est très, très hot. Donc, là, la difficulté est redoublée parce que la chanson est en anglais. Mais ça vaut 2 points, quoi? Oui, OK. Oui. Ça vaut 2 points, celle-là. Ah, OK, comme ça venait juste d'inventer la règle, mais bon. Ben, bon, regarde, hein? Hey, Luxonné, là. Hein? Fast pit et va-t'en. OK. On y va, en fait. Faut-tu que je veux juste vérifier un truc avant qu'on commence. Okay. Donc, la chanson, c'est Jingle Bell. Jingle Bell. All the way. OK. Donc, je vous fais... je vois que Mathieu connaît déjà un petit peu les paroles. On n'entend pas. OK. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc là, c'est la chanson Arrêtée, encore une fois. Swing! Mathieu. Ben là, attends un Mathieu. Peu, là, c'est pas la même affaire. What fun it is to run and no one spread open sleigh? C'est ça! Hey! Ah, c'est deux fois le même coup. Oui, c'était comme un piège. Là, ah! Je me suis dit, comme c'est difficile... Ça vient juste d'être dit. Ça vient d'être dit, fait qu'ils vont me faire leur... Je pense que t'allais m'enlever mon point parce que j'ai pas fait de fun. OK, fait que 3-1-1. Ouais, ben là, je me suis dit, tellement tough, celle-là, qu'on va y laisser. Thank you. Ensuite de ça, mon beau sapin. Non, ma préférée. Yay! Donc, celui-là encore, c'est une question. Une question? Vachement là-dedans. Okay. Oui, c'est là que t'as eu ton point. Une bonne capacité d'écoute. Ok, on y va. C'est parti. Vous devriez voir le vidéo de soleil. C'est beau. Du PowerPoint et des clochettes. Non, mais attends de voir la madame. Ah non, attends. Non, tu peux pas regarder. Il faut pas que tu regardes. Okay. Elle va nous demander ce qu'il y a dans la vidéo. OK, la question est la suivante. Donc, l'hiver arrivé, de quoi sont dépouillés les bois et les guérets? Mais, François, je me suis trompé, excuse-moi. Hey, je sais pas, j'ai comme cogné trop rapidement. La suivante. De leurs attraits? Oui! Wow! De leurs attraits. Ouais. Bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Je connais tout ça à cause de Canal Famille chante Noël. J'écoutais ça quand j'étais petite en faisant mon sapin. C'est une copie de ça, MP3? Ben non, arrête. Allez. Ben non, mais non, je sais que non. Question comme nous. Non, voir ça sur YouTube. J'aimerais ça leur avoir, c'est le fun. Je suis sûre que je trouverais ça mauvais, là. Bibi, il chantait pas particulièrement bien, là. Qui, Carole, qui assistait? Non, vedette de Canal Famille, ok. Crime, on n'a pas vécu à la même époque de Canal Famille. Je n'ai que 22 ans. C'est ça. Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Hey, bonne fête. Donc, cinquième chanson et dernière, en fait. J'ai vu maman embrasser le Père Noël et c'est une chanson arrêtée encore. Donc, extrait de Alain Morisseau et Sweet Pea. Oh! Wow! Basé sur une anecdote de vie de Myriam Fugère. Pourquoi? Je sais pas, ta mère, non? Non. Je me souviens pas. En tout cas, j'y vais. Quand j'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël. J'ai bien cherché pourquoi et j'ai deviné, je crois, c'est pas... Wow, hein? Puis tu vas pas t'en mettre là-dessus, hein? Ou que c'est pas facile. C'était quoi la phrase? Où est-ce que t'as arrêté? Et j'ai deviné, je crois... Pourquoi la maman elle a embrassé le Père Noël? Parce que c'est son père, mais c'est le père de la fille qui chante. Attends. Non, toi, il faut que tu te mettes dans l'esprit de l'enfant. C'est quoi la phrase? Répète. OK, attends un peu. C'est deux phrases avant, mettons-le. Bon, on va le recommencer, OK? On refait. Hey, non. François, il triche. Ah! Ah ben! C'est bien essayé. C'est bien essayé, mais on recommence. Rien, Ryan. En train d'embrasser le Père Noël. J'ai bien cherché pourquoi et j'ai deviné, je crois. C'est parce que. Hey, c'est pas une affaire de tes genoux, non? Pff, ça va pas avoir. Hein. Wow. On faisait des bouts du galop, voyons. Un indice. Ben là, c'est parce que... Faut que ça rime en tout cas, ça, c'est sûr? Non. Non? Bon, ben, on annule le point et on écoute l'extrait. Parce qu'il m'avait apporté de si beaux jouets. Non, j'aurais pas deviné. Non, moi non plus. Vraiment pas. Trop smart, il apporte des beaux jouets à maman, va le frencher. Ben oui, c'est ça. Ah, ça a du sens. Elle-même, ce qu'on fasse. Ah, ben, c'est une pute. Hey! Hein? Hey, wow! On continue. On peut-tu enlever un point pour ça? Ouais, ça marche pas de même. OK, fait que c'est... J'ai mérité mon point. 2-1-1. Hey, François triche. Est-ce que tout le monde le sache? J'avais 3 moi, quelque part. Ouais, c'est ça. On vient de t'en envoyer un parce que t'as dit que la mère, c'était une pute. Donc, tu m'envoies un point? Je t'enlève un point. Ah. Ouais. Donc, c'est 2-1. En tout cas, je gagne pareil. T'as un point en moins. OK. T'as un point en général. Je n'ai 2. Ça, je voulais dire. Oui, c'est vrai, c'est 2-2-1. T'as pas 2 points? Bon, dis-le, histoire comme il faut. Bon, OK, on y va. Okay. Fait que, encore une fois, la chanson arrêtée. On continue avec « J'ai vu maman embrasser Hubernelle », étant donné que c'est votre chanson préférée. C'est notre préférée. On la connaît par cœur. Pour l'an prochain, j'ai bon espoir qu'il viendra encore à mon appel et de nouveau je ferai d'embrasser le Père Noël. J'allais dire la fille des dents, moi, c'est plus drôle, ça rime. Mon côté poète. Non, j'ai jamais entendu cette chanson en français. Elle va faire semblant de... Dormir. Oui! De dormir profondément. Mettons, je te le donne. Oui, parce qu'elle a eu l'esprit. Parce que c'est la ta fête. Wouhou! Jasmine a gagné. Bravo! Okay, c'est tout? On en fera peut-être pas des quiz à moi. Hey, non, mais non. Pas fun. Non, mais c'est moyen d'en faire des bons, des quiz comme ça. Là. Non, mais c'est très dur. C'est vous qui êtes pas bon. Mais ben, en oui, plus, merci. Moi qui croyais en avoir pris des faciles. T'es pas supposé être contre tes participants en tant qu'animatrice de quiz, juste ça de même. Attends un peu, je vais faire une petite. Ça dépend qui sont les participants, je pense. Fais-tu vite, comment? Ça dépend qui sont les participants. Moi, je veux ton truc. Moi, c'est ça que je veux. Moi, mon affaire, il est pas. OK, mais juste avant de terminer ma chronique, je veux vous faire part. Tu sais, la semaine passée, je vous ai parlé d'un effet visuel dans ma prochaine chronique. Uh-huh. Et c'est le suivant. En fait, j'ai vu sur Internet, je suis tombée sur le site Topito, qui est un site qui nous offre beaucoup de top 10, top 6, top de ça. Donc, toujours très intéressant. Mais là, on a le top 53 des pires photos de famille de Noël. Oh, j'aime ça. C'est tellement. Wow. C'est là que tu prends les pires. Donc, je vous en commente quelques extraits. On a quelques-unes, en fait. On a toute la famille déguisée en grosse boîte de cadeaux. OK. Ah, c'est bon. Je vois rien. Mais après ça, on va le mettre sur le site des genoux du Père Noël. Tu galopes, tu galopes. Donc, on a des gens qui sont déguisés. On a avec tous les chiens. OK. Vraiment une famille nombreuse avec beaucoup, beaucoup de chiens. Je regarde pas. Tout le monde déguisant sa peine Noël. Une de mes préférées. Tout le monde a le même pyjama, sauf le père qui n'en a pas. Il en restait plus, il s'est mis tout nu. Non, mais on suppose que lui, il s'est dit, ben moi, je dors tout nu, fait que, oh yo, le pyjama. Ou moi, je ferais pas rire de moi en portant ce costume-là. T'as la photo sur Internet. C'est encore pire. Il y a Noël gothique aussi. Yeah. Ça, sauf c'est le grand-père. Vraiment dégueu. Non, mais d'après moi, c'est le Père Noël tout court. Ah, il y a tout le monde avec des tresses et cheveux colorés. Ils ont tout l'air morts, finalement. Hey, t'as pas fait le Père Noël, c'était un Québécois, comme chanson dans tes choix. Pauvre toi, j'aurais dû le faire, tu l'aurais peut-être su, finalement. C'est la seule phrase que je connais. OK, il y a la photo thématique Star Wars. Ah, oui. Donc, il y a probablement un enfant déguisant en yoga. Live long and prosper, Noël. Long and prosper. C'est dans Star Wars Trek. Live long and prosper. Moi, je l'ai pas vu. Je comprends pas tes blagues. Je l'écoute en français, moi, malheureusement. Hey, elle a ton bikini. Il y a le modèle Adam et Ève avec le bikini en noix de coco. Donc, wow. Et la grosse toile. Ça se cogne ensemble, François. Oui, mais ça, c'est la mienne. C'est la photo de l'année dernière dans ma famille. C'est parent de grandeur, ta famille, toi? Oui. Il y a le classique avec des reines. Y a un chien sur son chandail. Oui, non, mais c'est ce que tu comprends pas. Là. Il y a le chien sur son chandail et le chien dans ses mains. Incroyable. Tu comprends? Avec un singe, donc la fille déguisée en Père Noël elle avec porte son singe. Pas grand-chose sur ses jambes, hein, non plus. Non, elle va avoir froid pendant ça. Ah, Noël Country. Ben oui. On a aussi maman qui aurait peut-être dû s'habiller plus que ça. Ah, c'est elle la pute de tantôt. Ouais, oh, un point de moins encore. J'ai gagné de toute façon. Donc, tout le monde avec les kits. En tout cas, il y en a plein. Oui, il y a aussi... tu sais, le clown, tu le vois. Mathieu, il y a comme ce gros clown pas fin. Ouais. Il y a Jasmine qui ronge des fils. non, c'est une photo de bébé. C'est parce que Jasmine a beaucoup de photos d'elle quand elle est petite sur Facebook. Voyons. Hein? Ils sont assez cute, ces petites photos. Puis là, on dirait que c'est elle qui mange moins cute tout d'un coup, hein? Des guirlandes. Ah, mange des guirlandes! Hey, un autre papa tout nu. C'est ça. Oh, mais là, celle-là est vraiment drôle. Un enfant qui est tout en tournée dans des lumières de Noël. Ça va être moins drôle, mais qu'il soit enroulé. Mort, hein? Ouais, c'est ça. J'avais... j'aurais vu mon frère là-dedans quand il était petit. Et donc, voilà, les petits becs, là. Tout le monde se donne des becs, sauf... Tu vois en avant les parents qui ont l'air séparés, genre qui regardent leurs enfants. Bon, check les fendants en train de s'en check marcher. Les autres sont heureux. Donc, voilà, il y en a beaucoup, là, vraiment. Batman et Robin, la guerre. Ça, c'est parfait. Il y a Joseph et Marie. Et à la place de Jésus, c'est le chien familial. Puis à la place des déguisements, c'est les draps. Ouais. Y a-tu le bœuf blanc, tout? Tout le monde a fermé les yeux. Les yeux fermés. Ils sont donné le signal de tout le monde ferme les yeux quand le flash part. C'est magnifique. encore une fois, ah ben là, il y a Jésus et Marie, mais c'est comme le chum de la fille qui fait Jésus. Ah, Noël, ça fait Elvis. Au bout, hein? En tout cas, il les a toutes, le Noël en bédaine. Bref, on va mettre ça sur le site d'Assemblage Requis. Oui, bien sûr. Vous irez voir ça. Vous allez montrer ça à vos amis, c'est tellement drôle. Wow. Et puis là, Mathieu, ça tentait-tu que je mette une petite chanson, me semble? Hey, on change de place live encore. Tu veux qu'on change de place live? C'est sans mettre d'internet? Oui, c'est ça. Ben, tu peux monter ton fond. Ça. OK, chaise musicale, go! Go, go, go! Go. Ah, la, la, la, la! Chaise musicale, pas de musique. C'est moins le fun. C'est encore plus plate que d'habitude, hein? Excuse-moi. Oui. Hey, le plat, c'était le fun, le quiz. Moi, j'ai aimé ça parce que j'ai gagné. Ouais, Jasmine a gagné, c'est sa fête. Moi, je l'ai trouvé très dur. C'est vraiment thématique. Ben, la prochaine fois, je vais faire ça un petit peu plus. C'est parce qu'au centre d'achat, on fait exprès pour se boucher les oreilles quand on passe devant la musique de Noël. On va pas au centre d'achat dans les fêtes, aussi, en fait. Aussi, dis ça de même. Mais non, on a juste pas de talent, c'est vrai. Il aurait fallu s'éduquer. C'est la faute de nos parents, finalement. En tout cas. Le seul commentaire. J'y connais mes chansons de Noël. Ben oui, mais d'abord, t'aurais dû me demander de l'animer ton quiz. Puis non, mais le pire, c'est que je l'ai testé sur mon frère. Ah. Puis même lui, il savait. Bon. Puis Marc-André, il écoute pas ça là, tout le temps. Là. Il est pas tout le temps en train d'écouter. OK, donc toi, tu écoutes ça tout le temps? Moi, oui. Moi, j'aime ça. J'aime vraiment ça. T'écoutais le disque de Nathalie Simard de Noël. Je m'en vais habiter avec elle. Non, mais quand je travaille, là, des fois, il y a des chansons qui passent, là, puis j'y chante toutes. Là, j'y connais. Je claque des doigts. J'ai fait mon sapin en fin de semaine, je les ai toutes en tête. T'as accumulé des points en masse. Quand je fais mon sapin, je mets de la musique de Noël. Ah, le prochain hit, hein? C'est va être un classique dans 60 ans, ça, hein? Hey, fais-le donc mon fun que je t'ai supposé faire, hein? On m'entend résonner, moi je m'entends résonner. Non, mais faut que tu mettes le bout, vous avez vu le micro? Plus fort. C'est un flop. Flop total, oui. Flop. Hey. Non, c'est pas en frappant sur nos micros avec ton micro que ça va faire un bruit de micro, là. Hein? Mon micro est meilleur que le tien. Non. De quel micro vous parlez? Ouais. Ça je pense que c'est officiellement. Ça dégénère, oui. Ça dégénère. Alors. Ça n'a jamais vraiment généré. Pour dégénérer, il aurait fallu générer. Écoute, moi, je voudrais juste m'informer. On est-tu là la semaine prochaine, finalement? Oui, il y a une dernière semaine, oui. OK, bon, mais... On va être le 21! C'est la consécration de tout ce qui se passe de Noël depuis toute ma chronique. Ça va être bien bon. Est-ce qu'on va pouvoir chanter Bonne fête à mon père? Mercredi prochain. Parce que là, cette semaine, on t'a chanté Bonne fête, là. Ben oui, mon père va être jaloux. C'est sa fête mercredi prochain. OK, c'est OK. C'est ça. Bon, fait qu'encore une chronique de Noël la semaine prochaine. Fait que c'est ça. Merveilleux. Merci, Myriam. Hey, c'est un plaisir. T'es une excellente animatrice hors pair et t'as du talent dans tout. Tu reviens quand tu veux, hein? Je suis multidisciplinaire. Oui. Incroyable. Multitasking. Oui. C'est aux trois quarts, ça, là, cette histoire-là. Multitasking. Quand? Multitâche. Trois quarts. C'est une mauvaise traduction. Trois quarts français. Non? Oui, c'est comme trois quarts français. Ouais. OK. Ça doit pas prendre notre réunion, en tout cas. Non. Ça doit pas prendre notre réunion. En français, puis le sait. Voyons, français. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se regarde avec une face qui fait genre, qu'est-ce que vous dites là? Moi, je comprends rien. C'est normal. Bon. Dernier petit solo de Noir Coco avant qu'on s'en aille écouter la musique. Bravo. Et un petit peu de grelot. Sur mes petites clochettes de Noël, c'est marqué les petits chanteurs de Trois-Rivières. Non, mais je l'ai pas volé. On te l'a donné, j'imagine. Non, je vous explique. C'est un cadeau. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, ils ont comme arrêté de faire des cours de percussion. Donc, pourquoi? Fait que Vanessa à l'enquête. Parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves. Non, ça aurait pu revenir un jour. Fait que tu les gardes, tu sais. Ben, c'est revenu d'ailleurs. Bon, tu vois, j'ai-tu raison, j'ai pas raison. Mais on est parti avec parce qu'ils nous les ont offerts. Voilà. Ah, ils voulaient acheter des neufs, de toute façon, ils sont tellement J'avais des contacts. Hey, François, t'as un micro exprès pour faire du gilling-gilling, vas-y. Ah, wow. Ah, c'est-tu beau, hein? Puis la chanson commence. Comme la radio professionnelle. Wow! Bravo, Funkin, cœur Rubik. Amusez-vous. J'aimerais tellement être la mèche du milieu, la tresse dans tes cheveux. Je glisse sur tes cils pour voir dans tes yeux les couleurs de ton bleu. Tu bats des paupières, ça m'envoie en l'air. J'aimerais qu'on... Ton tonnerre thoracique. pour l'écouter. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François-Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. Toujours à Assemblage requis, en ce mercredi matin, 8h31, Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Hein? Tout à fait. Oui, de retour à nos places habituelles, évidemment. Jasmine est toujours avec nous, Raymond Drinville. Oui. C'est sa fête. Oui. Bonne fête. Hey, c'est vrai, j'avais dit que je te ferais simple que tu fasses des jingles par-dessus la petite chanson de retour. Myriam Fugère est là aussi. De rien m'étonnante, là. Hey, c'est fou, incroyable. Hein? Tu peux me parler. Hey, tellement de bonne mère, on dirait. Ben oui, mais c'est le fun, ça. Tu t'as de bonne mère, là, mais on dirait que je suis plus de bonne mère que d'habitude. On va éloigner ça. Oups, je pense qu'on cache les clochettes pour plus avoir de clochettes. Hey. Non, faut les éloigner. Donne-moi mes clochettes. OK. Ben, vous avez raison. Camélia me le demande. Ah, bon. Je pensais qu'on s'était sauvé des clochettes. Allez-y. Et les lunettes aussi, mais les lunettes font pas de bruit. Les lunettes d'étoiles super grosses. Faut que je me tienne, tu sais, la tête quasiment à l'envers pour que je tienne. T'as tellement l'air fraîchie. Elle a le nez des airs. Ah, une douche baguette. Elle pense qu'elle est meilleure que nous autres, là. Elle a ses grosses lunettes de fête. Bon, en fait, qu'on. Dis une fille avec des petites lunettes d'en face. C'est ça? T'es jaloux? En regardant par en bas. Ouais. Ça doit être rare que tu regardes par en bas. Ça te fait bien ta grandeur, ça te fait bien. Ça te fait bien ta grandeur. Hey, merci. Ça merci. Fait plaisir dans non, mais c'est vrai. Ça me touche au plus profond de moi. Bon. Moi, je suggère qu'on change de sujet complètement. On n'a pas de Yann Martel aujourd'hui, pour ceux qui attendent avec impatience la chronique financière. Ben, non. J'osais comme pas poser la question. Tu parles vraiment comme super à cause de ton micro, mais c'est pas grave, on entend quand même, j'imagine. C'est univers parallèle. Madame, j'ai étudié en radio, je parle tout autour de mon micro, là. Bon, moi, j'ai une excuse. Ouais, mais j'en pas de l'emplacer. Ah, elle décide des affaires de Noël. Ça fait. Du Guy, c'est ça, du Guy? Du où? Ah, c'est du où? Ouais. Du où, là, là? C'est là. Oulette de Dogs. Bon, OK, ça va faire. François, tu connais le principe du quiz tantôt, mais tu sais, mon quiz, tu sais, c'est quoi mon quiz? Tu nous fais pas faire un quiz? Ben, c'est un genre tu de Tu nous fais pas faire un quiz? C'est assez proche. Non, ce sera pas un quiz comme les tiens de tantôt, là. Non. Ah, OK. Non, c'est ce qu'on appelle. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. C'est vrai, ça, par contre, que c'est un. Merci au service aux étudiants. Oui, merci. Hey, ils sont fins. C'est pour ça qu'on les remercie deux fois dans la même intervention. Non, c'est notre quiz. Écoutons la don, la chanson. Écoutons la dernière chanson, c'est le bloc d'Assemblage requis où je vous présente, moi, Mathieu Plante, trois pièces de trois artistes différents, mais ayant un thème commun. Faut deviner le thème? Faut deviner le thème. Oh, j'aime ça. C'est bien. Hein? Donc, je vous donne pas les titres parce que cette fois-ci, c'est vraiment dans les titres qu'on entend les choses. Donc, vous allez devoir deviner sans connaître les titres. Mais par contre, je vous donne les noms des groupes. On va avoir tout à l'heure Ostra et Propofol. OK. Mais on débute avec Carquois à l'instant. Oh! Pour moi, c'est ma fête. Dans le bloc, écoutons la don, la chanson. Bonne fête, Jasmine. Mais c'est mon préf, Paul Louis-Jean. Paul Louis-Jean? Louis-Jean, c'est mon préf. Ah, cool. C'est super, son, ça. Son professeur. Mon préf. Ah, OK. C'est ton BFF. Best friend forever. Mon best mari forever. Oh, cool. C'est pas encore, lui. Non, c'est ça. BMF. BH. Non, mais husband, c'est pour VHF. UHF, VHS, VHS. Tu vas le taper. Ça peut être Broom aussi. Broom? Broom. Ah, groom, c'est groom. Le groom, c'est ça, groom. Broom, c'est un balai. Regardez tes cheveux flotter dans l'air salin. Je veux quitter le sol, me perdre dans tes yeux boussole et dériver jusqu'au petit matin. Falaise. Sombre et folie, je me sens fort quand je me frotte au sable mouvant de ton corps. Je veux quitter. Me perdre dans tes yeux boussole et dériver jusqu'au lever. Ah, normalement, j'aurais pas l'habitude de couper une pièce, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça c'est un quiz, puis on est supposé deviner le titre de la toune, donc ce serait pas pire de mettre la bonne. Elle est 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va écouter la bonne pièce, puis après ça, on revient avec la réponse du quiz. C'est pas Myriam qui a fait cette gaffe-là. Hein. Myriam, ça a été parfait. Et... Quiz, écoutons la don la chanson. Oui, trois pièces regroupées sous un même thème et vous devez trouver le sujet. Et là, vous avez chacun vos buzzers du quiz de Myriam tantôt. Donc, j'imagine que vous allez pouvoir. Oh, non, hey, wow, pas n'importe quel même temps. Ok, François. C'est moi qui ai de la réponse. Non. Hey, j'ai. Wow. Je prends pas de crédit pour. Ok, donc Jasmine. Eh bien, dans la deuxième, elle va dire de la pluie dans son appartement. Puis dans la première, dans le titre, il y a le mot vague. Ok. Ça doit être l'eau. L'eau! Doigt de réplique, voir si... Les éléments de la nature. Non, c'est l'eau, bravo! Ah. Bravo! Donc, on a entendu au tout début du bloc... Je l'ai complètement raté. Deux quiz de marde aujourd'hui. Ça se peut-tu? Au début, c'était Carquois avec la vague perdue sur la trappe sonore du film La peur de l'eau. En deuxième, la pièce Il pleut de Propofol. On a terminé avec Shoot the Water de Ostra. Mais c'est pas grave, t'en avais deux sur trois, donc à un moment donné, le thème était donc évident de par lui-même. Bravo, Jasmine. Juste Jasmine. Merci. François, tes poches. Oh, c'était quoi la chanson Carquois? C'était quoi? C'était La vague perdue. Ok, merci. Il y a de l'eau dans une vague, c'est pour ça. Maintenant, on transitionne. Voici la chronique. On transitionne. C'est un fait. C'est comme ça. C'est comme ça coule comme de l'eau dans cette émission-là. C'est un fait. C'est un fait qu'elle a collé des choses véridiques, véritables et vérifiables. Je vais vous enseigner des choses en le moins de temps possible. Commençons par le cerveau humain. Saviez-vous, les filles, Jasmine, oui. Myriam, qui est toujours là, François-Olivier... Toujours présent. Qui n'est pas dans le groupe des filles, mais qui est à part. Salut, Mathieu Plain. Ah, ça va, notre belle voix. On va faire un quiz avec des chansons de Noël. Le cerveau humain moyen mesure 140 mm de large par 167 mm de long et 93 mm de haut. Chez la plupart des gens de taille moyenne. Ironiquement, le seul membre de ZZ Top qui a pas de barbe, son nom de famille, c'est Beard. Quand même, ouais. Beard, barbe. Hey, en passant, Charles-André Lambert du Dîner de con a proposé, je sais pas si l'idée vient de lui, mais je donne le crédit parce que je l'avais jamais entendu avant. Mais après, le Movember, il fait le December-beard. Ah ouais, pourquoi? December-beard. Ah, j'aime mieux ça, j'aime vraiment mieux. Non, j'aime pas tant mieux mais ça. En fait, le jeu de mots fonctionne mieux, mais l'idée, on est allé le voir des poils, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. On en voit tous les jours. De quoi ça? Oui, mais. Ça dépend, non, mais quand il est vraiment big, okay. Pas taillé comme tu sais, Forrest Gump, quand il finit de courir pendant 3 ans, là. Oui. Tu sais, c'est dégueu, là. Et pour corriger ce que je dis, t'as de voir le même poil à la même place sur tout le monde. C'est ça que je tenais de voir et non pas des barbes en tant que telles, parce que je connais des gens qui ont des barbes et qui sont très belles, tu sais. Hein, François? Ben oui. Voilà, tout à fait. Ça crie à l'extérieur du studio en ce moment à cause des barbes, j'en suis sûr. Le Mount Rainier de l'État de Washington est le plus haut volcan dans les États-Unis qui mesure 14 500 pieds de haut. Pieds? 14 500 pieds, c'est haut quand même. Dernière éruption, la plus récente, en 1854. 1854. Wouhou! Le cheerleading. Cheerleader, cheerleading, luxonné, etc. Cheerleading. Quoi? Le cheerleading était au départ un sport complètement masculin. Donc, un sport mâle, un mâle. Oh, mais okay, just a fun. Les femmes ont été ajoutées à l'équation quand on avait besoin de corps plus petits et plus légers pour voler. Enfin, tu sais, voler. Oui, voler, c'est malade. Oui. Dans le cheerleading, donc, c'était un sport de gars. Ils volaient dans les airs, Colin. Les premières cigarettes ont été roulées par des soldats égyptiens dans les années 1800. Au même moment que l'éruption du Mont Rainier. Arrête de chanter. Donc, c'était pas une opération aussi classe qu'on pourrait le penser. Par contre, les hommes essayaient juste de sauver quelques vieux cigares qui avaient été jetés. Donc, ils essayaient de faire le quoi avec des cigares. Ils ont fait des cigarettes. Oh. Ah, c'est guéri, là! Savais-tu que se coucher dans un bassin d'eau froide longtemps, ça aide à réduire les blessures musculaires? Ah ouais. Donc l'eau froide et l'eau même glacée peut réduire de façon significative les problèmes, les douleurs de muscles. Donc ça soulage les douleurs. Le changement de température lorsqu'un athlète quitte le bassin d'eau froide et revient à la température pièce aide à relâcher les muscles et les soulager mieux que n'importe quel autre appareil qu'on pourrait utiliser qui serait chaud. Donc le chaud pour un muscle endolori, c'est pas une bonne chose, c'est du froid qu'il faut mettre dessus pour ceux qui savaient pas ça. Donc on a il y a même des gens de ce qu'ils appellent le cold tub, c'est comme un hot tub, un sauna, un spa, là. Un spa, pas un sauna, un spa, mais avec de l'eau froide. Où ils peuvent être plusieurs dans ce spa-là, donc pour traiter les blessures dans le sport. Intéressant quand même, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Mais ça me fait penser à... J'arrête pas d'entendre des jeux de mots partout quand tu parles, là. C'est même pas voulu, en plus. Mais je sais pas, tu parlais de spa, là, t'as dit sport, puis là, après ça, dans un spa, j'ai oh. Hey, oui, hey, ça serait pas pire qu'une chronique de sport, trop, on peut appeler ça. Hey, viens me rejoindre dans le sport. Non, mais tu sais, c'est pas... Oh, laisse-tu faire. Spot out. Spot out, comme jeu. Okay. Spot out. Savais-tu que, en fait, ton... Et là, le titre est un petit peu, disons, est pas tout à fait véridique, mais ton cerveau reste actif après la décapitation. Ah, c'est malade. C'est vrai. Donc, t'es pas conscient. Le mythe, dans le fond, il y a un mythe qui dit que t'es conscient après, mais c'est pas le cas. Mais c'est comme les poulets, là. Quand tu tranches la gorge, tu continues C'est exact. C'est exact. Donc, la tradition veut que lorsqu'on qu'on coupe la tête de quelqu'un, c'est qu'on appelle, on crie leur nom. Pour voir s'ils vont réagir. Mais les scientifiques, dans les années 1700, ont remarqué que les têtes répondaient en clignant des yeux, en ouvrant leurs yeux. Donc, l'effet dure 2 à 3 secondes. Et d'ailleurs, le 17 juillet 1793, Charlotte Corday a été décapitée après avoir tué ou commis le meurtre du journaliste Jean-Paul Marat. La chose intéressante, c'est qu'après que sa tête soit tombée, une des personnes qui faisait l'exécution, en fond, a pris sa tête, la tête de la fille, il a giflé sa joue, et ses yeux accordés ont regardé le gars qui l'exécute. J'ai pas le goût de te faire regarder comme par une tête de décapité. Alors, on essaye-tu? On essaye dessus avec François. Je vais te donner une claque. Check bien ça. Ah, oh, OK, tu veux l'essayer avec François. Mais moi, c'est mon coéquipier. Ah, c'est vrai, il veut plus qu'on s'écoute. On pourrait. Non. Ouais. Mais le cerveau n'est plus conscient. Par contre, les scientifiques de cerveau, là, comment t'appelles ça, croient qu'il y a assez d'activité dans le cerveau pour donner des réflexes involontaires, mais c'est pas assez pour penser ou rien. C'est ce qu'ils disent, les scientifiques. Vous pouvez en lire plus sur l'article sur assemblagerequis.com. Dan Aykroyd et Bill Murray des Ghostbusters sont allés voir un patient qui était en train de mourir à l'hôpital, mais c'est pas le fait intéressant, mais quand même, ça l'est un peu. Ils sont habillés en costume, ils l'ont diverti pendant une journée. Mais d'autres faits intéressants, c'est que le fantôme vert Slimer, on l'appelait sur le plateau, on l'appelait le fantôme de John Belushi. C'est un petit peu plate, là. Il était pas si gros que ça, John Belushi. Quand même. Campagne de publicité. Les gens pouvaient appeler les Ghostbusters. Il y avait un numéro à l'écran et on pouvait appeler les Ghostbusters. Et c'était les voix de Dan Aykroyd et Bill Murray qui répondaient. Ils disaient qu'ils n'étaient pas là, qu'ils étaient partis chasser des fantômes. Ils ont reçu 100 appels par jour, 24 heures par jour pendant 6 semaines. Non, mais le fun. Et l'endroit qui a été utilisé pour la place où il y a les pompiers. Une caserne. Merci beaucoup. La caserne de pompiers, le plateau a été utilisé dans les Ghostbusters. Mais aussi, ça a été changé en genre de mécanicien pour le film The Mask avec Jim Carrey. Intéressant. Et on en fait un dernier. On va faire. Je choisis. Ah, c'est les chefs en Chine qui font bouillir des œufs dans de l'urine. Et c'est super populaire. Oui, des œufs bouillis dans de l'urine. Ça fait des milliers d'années que ça existe. L'urine, donc, est ramassée dans des écoles locales. Et le meilleur pipi. Le meilleur pipi vient des enfants en dessous de 10 ans. Vérité. Donc, ils font pipi, ils font leurs besoins dans un seau. Et on ramasse ça tous les jours, c'est frais fait. C'est super, hein? Le chef Lu Ming, explique que les œufs sont délicieux, bons pour la santé, et vous permettent de rester réveillé et vif d'esprit, comme tu dirais de moi, Myriam, vif. Mathieu Plante est vif, tu l'as dit. C'est vraiment dégueulasse. Un bon remède de fin de session? Oui! Lu Ming, donc, qui a hâte d'exporter ses œufs dans l'urine. Ses urines. Ça, c'est un jeu de mots de moi, tout créé de toute pièce, un urine. C'est très drôle, je trouve ça très drôle. Jasmine est comme perplexe, là. Et perpleuf. Non. Pas sous ça, là. Non. Donc, il essaie d'exporter ça dans d'autres pays et il veut que ce soit super giga gros. Très gros. Super giga gros. Ouais. Greux, ça va être greux. Ça va être greux. Greux. Greux, c'est un jeu de mots avec F. Excuse-moi, j'écoutais pas. C'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. La fin de la collecte, c'est un fait pour commencer, pour terminer. Voilà. Et puis, ça finit bien une émission, ça, hein? Mais ça! Avec de l'urine! Youpidou! Oui! On est tous très, très heureux. Bravo. Voyons! Dans ta face! C'est donc bien agressif Golden shower! Avec moi. Non, OK. Restez sur nos ondes parce que l'émission SPM de gars s'en vient. Le talk show sur les sports, la politique et les médias. Ensuite, il y aura d'autres émissions. Je sais même pas si on va être ensemble, mais là, aujourd'hui, on est rendu en fin de session. On sait jamais qui sera là. Voilà. Donc, à 11h, sera le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, en rappel, c'est La Spirale et Catalepsie. À 16h, l'émission 6 degrés avec Kim Bergeron. Plus tard, à 21h, c'est Psy-TR avec de la musique trans. Soyez à l'écoute demain pour la chronique de Simon Fitzbé Phénomène et la chronique politique de François Landry. C'est à l'assemblage requis demain dès 7h. On se quitte sur une pièce de Violet P. C'est USB. USB. Merci à Myriam Fugère. Hey, bienvenue. Merci. Et puis, c'est encore on se voit samedi. Salutations. Ça me fait plaisir. Salutations. Jasmine. Ouais, merci. Ouais. On vous revoit tous les deux au party de Noël, c'est ça, non? Oui. Yes, sir. Yeah. François-Olivier Marchand, merci. Mathieu Plante, merci. Merci à Yann Martel qui est pas venu, mais quand même. Alors, merci. Moi, c'est Mathieu Plante. Passez une excellente journée. Bye bye. Bye. Fais des guéling, Jasmine, fais des guéling. Yeah. Irréversible.